Encore une fois, ces terminaisons sont valables pour tous les verbes. Et on retrouve toujours le même R de l'infinitif, au futur comme au conditionnel. Il existe bien quelques contractions de la racine du verbe, mais les terminaisons, elles, sont toujours les mêmes. Elles ne changent jamais. Par exemple, dans les cas des verbes gogo, on ajoute un D avant la terminaison qui fait disparaître la voyelle de l'infinitif. Par exemple, ce soir je sortirai se dit Esta noche saldré. Mais il ne doit y avoir qu'une seule syllabe accentuée. Ah oui, saldré. D'accord, saldré. Et il ne sortira pas No saldrá. No saldrá. Il ne sortirait pas No saldría. Bien, no saldría. Nous ne sortirons pas No saldríamos. Qu'est-ce que c'est « nous ne sortirons pas » C'est quel temps ? Du futur ? Oui, c'est ça. Ah oui, ok. Non, j'avais donné un conditionnel, nous ne sortirions pas. D'accord. Alors, nous ne sortirons pas. Nos saldremos. Nos saldremos. C'est ça. Et maintenant, donnez-moi, nous ne sortirions pas. En veillant à ne pas vous éloigner de... Ria. C'est ça. Okay. Donc, nous ne sortirions pas. Nos saldríamos. D'accord. Nos saldríamos. Nous ne sortirions pas. À ta place, je le mettrai ici. Je le mettrai ici. Lo poneria aquí. Alors, comment dit-on je mets? Pongo. Or, vous savez ce qui se passe avec les verbes gogo. On ajoute un D. Voilà. Et du coup, la voyelle du verbe tombe. Alors? Lo pondría. D'accord. À qui? Voilà. Pondría, ça veut dire je mettrai. Donc, à ta place, je le mettrai ici. Yo lo pondría aquí. Lo pondría aquí. Et demain, je le mettrai ici. Mañana lo pondría aquí. Oui, mais ça c'est du conditionnel. Ah, je le mettrai au futur. Oui, je le mettrai ici au futur, c'est Lo pondré. D'accord. À qui? Lo pondré à qui? Lo pondré à qui? Et nous le mettrons ici. Lo pondremos aquí. Lo pondremos aquí. Nous ne le mettrions pas ici. No lo pondremos aquí. Ça c'est nous ne le mettrons pas ici. Ah oui. Nous ne le mettrions pas. Nous ne le mettrions pas ici. No lo pondríamos aquí. D'accord. No lo pondríamos aquí. Et il ne viendrait pas avec nous? No vendría. Très bien. No vendría con nosotros. Il ne le vendrait pas. No vendría, no lo vendría. Vous venez de me dire, il ne viendrait pas. Il ne le viendrait pas. Mais, je vous ai demandé, il ne le vendrait pas. Attention à ne pas confondre venir, qui est un verbe gogo, avec vender, vendre, qui est un verbe tout à fait régulier. Alors, encore une fois, il ne le vendrait pas, donc avec le verbe... Vender. No lo vendería. D'accord. No lo vendería. No lo vendería, c'est il ne le vendrait pas. Alors, comment dites-vous? Il viendrait ici et il le vendrait. Vendría aquí. Vendría aquí, très bien. Et il le vendrait. Il lo vendería. D'accord. Alors, vendría, il viendrait, vendría aquí, et il le vendrait, il lo vendería. Vendría aquí, il lo vendería.